Chant numéro 31. Ainsi, sous cet aspect de rose toute blanche, se montrait à mes yeux cette sainte milice qu'au prix de son sang même épousa Jésus-Christ. L'autre qui dans son vol voit et chante la gloire de celui qui fait seul le but de son amour, ainsi que sa bonté qui la rendit heureuse, imitant un essaim d'abeilles qui tantôt se pose sur les fleurs et qui tantôt retourne au point où la saveur de son butin augmente, descendait dans le sein de cette grande fleur, corne en nombreux feuillages, et remontait ensuite où l'amour a fixé son siège pour toujours. Leurs visages à tous étaient de pure flamme. Leurs ailes étaient d'or, et le reste si blanc que la neige jamais ne le fut à ce point. Et descendant ainsi de gradin en gradin dans cette fleur, un peu de leur paisible ardeur acquise en voltant se répandait partout. Et cependant, le vol de ces foules sans nombre, venant s'interposer au-dessus de la fleur, n'empêchait nullement la vue ou la splendeur, car la clarté divine entre dans l'univers dans la proportion dont il se montre digne, et rien d'autre ne peut lui former un obstacle. Et ce royaume heureux, que rien ne peut troubler, et où la gent antique abonde et la nouvelle, offrait au même endroit leur amour et leur joie. Brillante Trinité, qui dans l'étoile unique qui scintille pour eux, fais ainsi leur bonheur, regarde vers le bas et vois nos infortunes. Si jadis, descendant des rivages qu'Hélice contemple tous les jours de là-haut, en tournant avec le fils qu'elle aime encore, les barbares restèrent stupéfaits, apercevant de Rome les superbes palais, du temps où le Latran se trouvait au sommet des choses de ce monde, moi-même, qui venais de l'humain au divin, et qui passais du temps à cette éternité, et de notre Florence au peuple juste et pur, je laisse à deviner quelle était ma stupeur. Et cependant, par elle, ainsi que par la joie, j'oubliais mon silence avec celui des autres. Comme le pèlerin qui se fait en bonheur de visiter le temple où l'appeler son vœu, en pensant au récit qu'il doit à ses amis, tout en me promenant dans la vive lumière, je suivais du regard chacun de ses gradins, vers le haut, vers le bas, ou bien tournant en rond. J'y voyais des regards invitant à l'amour du prochain, où brillait la lumière d'en haut sur leur propre sourire et de digne abord. Déjà de mon regard, je pouvais embrasser l'aspect du paradis, pris dans tout son ensemble, sans m'arrêter encore sur aucun de ses points. Et je me retournais, pris par une autre envie, pour savoir de madame un peu plus de détails sur lesquels mon esprit restait comme en suspens. J'attendais une voix, une autre répondit, car je pensais trouver Béatrice, et je vis un vieillard, habillé comme on l'est dans la gloire. On voyait son regard et son visage empreint d'une suave bonheur où brillait la bonté qui le rendait pareil au plus tendre des pères. « Où est-elle ?» ont été mes premières paroles. « Pour mener, me dit-il, ton désir à la fin, Béatrice m'a fait abandonner ma place. » Regarde vers le haut sur le troisième cercle à partir du sommet, et tu la reverras, assise sur le trône où la met son mérite. Sans plus tarder alors, je levai mon regard et je la vis là-haut, portant une couronne que formaient les reflets des rayons éternels. L'œil mortel n'est jamais à si grande distance de la plus haute zone où gronde le tonnerre, même s'il a plongé jusqu'au fond de la mer, que Béatrice était de ma vue éloignée. Mais cela n'était rien, parce que son image parvenait jusqu'à moi, pure de tout milieu. Ô dame, qui soutient toute mon espérance et qui pour mon salut avait daigné laisser jusqu'au fond de l'enfer la trace de tes pas, je reconnais tenir la grâce et la vertu de tant et tant d'objets que j'ai pu contempler, rien que de ta puissance et magnanimité. D'esclave, ta faveur vient de me rendre libre, grâce à tous les recours et par tous les moyens qui pour mener au but était en ton pouvoir. Conserve-moi toujours cette magnificence, en sorte que mon âme, enfin par toi guérie, sans les liens du corps, jouisse de ta grâce. Telle fut ma prière. Et elle, d'aussi loin qu'elle semblait, sourit en regardant vers moi. Puis elle se tourna vers la source éternelle. Alors le saint vieillard. Afin que s'accomplisse de point en point, dit-il, jusqu'au bout ton voyage, auquel m'ont invité l'amour et la prière, survole du regard tout ce vaste jardin. Sa contemplation préparera ta vue pour mieux monter ensuite aux célestes rayons. Et la reine du ciel, qui fait brûler mon cœur du plus parfait amour, nous donnera sa grâce, car moi-même, je suis son fidèle Bernard. Comme celui qui vient, mettons de Croatie, uniquement pour voir chez nous la Véronique, et ne peut assouvir sa faim qui vient de loin, mais se dit en son cœur pendant qu'on la lui montre, « Ô Seigneur Jésus-Christ, ô Dieu de vérité, alors votre visage était-il ainsi fait ?» Tel je restais, voyant l'active charité de celui qui chez nous, dans le monde d'en bas, goûtait en contemplant un peu de cette paix. Fils de la grâce, fut son entrée en matière. Comment connaîtras-tu cet état bienheureux si tu gardes toujours les yeux fixés en bas? Regarde donc plutôt ces cercles jusqu'en haut, et sur le plus lointain, tu pourras voir la reine, à laquelle obéit saintement ce royaume. Lors je levai les yeux, et comme le matin le bord de l'horizon qui touche à l'Orient passe l'éclat de vôtre où le soleil se couche, de même, en promenant mon regard du plus bas au plus haut, j'aperçus un endroit au sommet dont l'éclat dépassait tout le front opposé. Et tout comme le bord où l'on attend le char que Phaéton garda si mal paraît brûlé, tandis que de partout la clarté diminue, tel vers le milieu s'avivait l'oriflamme qui conduit à la paix, tandis que tout autour la clarté faiblissait de façon uniforme. Dans ce même milieu, les ailes déployées, l'air en fête, j'ai vu voler plus de 1000 anges. Et chacun différait par l'aspect et l'éclat. Et là, parmi leurs jeux et parmi leurs musiques, je vis une beauté rire, qui dans les yeux de tous les autres saints devenait de la joie. Si j'avais l'éloquence aussi riche que l'imagination, je ne craindrais pas moins d'affronter le portrait de sa grâce la moindre. Bernard, voyant mes yeux qui s'étaient arrêtés attentifs et fixés sur l'ardeur de sa flamme, tourna les siens vers elle, avec tant de tendresse que mon regard devint d'autant plus enflammé.